Moi je vis à mon rythme. Certains disent que je vis pas, si l'existence est un livre, j'aurais déjà tourné 1000 pages, mais je m'accroche couze. Parce que dans le fond, y'a que ça à faire, j'effrite des grosses couzes. J'arrive à tout à part à plaire. Ça fume des cônes devant la fortise. Dis aux gens que j'ai un bon fond, même dans le Noctis. Il faut que je m'en sorte vite, l'ambiance est morbide. J'ai mal, comme un camé en manque de morphine. C'est Morphis, dehors y'a pas de sportif. Or j'essaye de sortir le spliff pour m'endormir. Les études, c'est dead, les aptitudes, c'est dingue. Putain, c'est peut-être pour ça qu'on tue toutes. C'est taille, ça craint, c'est clair, ils nous prennent pour des merdes. Bordel, c'est peut-être pour ça que tous mes rôles s'énervent. C'est trop, c'est vers le manque de pour. C'est l'air, tu veux de la thune, vendre la cam ou sois pro. C'est net, tu te demandes pourquoi les jeunes s'enculent. L'amour et la compassion ne se vendent plus. On déambule comme des somnambules. Y'a pas un avenir correct en vue. Et tu te demandes pourquoi les jeunes s'enculent. L'amour et la compassion ne se vendent plus. On déambule comme des somnambules. Y'a pas un avenir correct en vue. J'ai plein de trucs dans la tête qui sont loin d'être kiffants. Votre respect, je l'aurais peut-être, mais sera pas en suçant. L'écart se creuse, je peux rien y faire, tout le monde est différent. Je connais toutes sortes de somnifères, mais l'absinthe c'est violent. Ma trace sur cette terre, je la laisse en rappant. Allez tous niquer vos mères. Je compte pas faire semblant, quitte à rester par terre, à me vider de mon sang. De toute façon, je vais pas me taire. Je suis là pour l'instant, c'est du GOR, ça fait boum dans tes dents. Ça sent la beurre avec ma gueule de flamand. Je balance un cri de colère, pas des nœuds à deux francs. J'ai toujours joué franc jeu, je suis sincère quand je te mens. Je compte pas fermer les yeux en galère constamment. Moi je représente mes frères avec un putain de sestant. Je compte pas fermer les yeux en galère constamment. Moi je représente mes frères avec un putain de sestant. Et tu te demandes pourquoi les jeunes s'enculent. L'amour et la compassion ne se vendent plus. On déambule comme des somnambules. Y'a pas un avenir correct en vue. Et tu te demandes pourquoi les jeunes s'enculent. L'amour et la compassion ne se vendent plus. On déambule comme des somnambules. Y'a pas un avenir correct en vue.